de personnes croient, mais très peu comprennent le vrai sens de la foi en Dieu, ce qu'elle doit faire pour plaire à Dieu. Beaucoup connaissent le mot Dieu, des expressions comme œuvre de Dieu, mais ne le connaissent pas, ni ce qu'il fait vraiment. Logique que leur foi soit aveugle. Ils ne prennent pas cela au sérieux, car c'est inconnu et étrange. Ils sont loin des exigences de Dieu. Oh, oh, si les gens ne connaissent pas Dieu et son œuvre, Dieu ne peut les utiliser. Ils ne peuvent accomplir sa volonté. Par Dieu, il prie encore pour.